le guérisseur de ton cœur. Sous le ciel étoilé, je serai ton confident, ton refuge secret, ton abri bienveillant. Pas un simple pansement, non, bien plus que ça. Je serai ton guérisseur, ton étoile qui brille là-bas. Quand les tempêtes font rage, que les larmes coulent, je serai là, solide, à te tenir debout. Ton fardeau partagé, tes secrets murmurés, je les porterai avec toi en toute intimité. Je serai ton guérisseur, ton remède sans faille, pas un simple pansement, mais un baume pour ton âme. Les mots que tu me confies, je les tisserai en chanson, pour soigner tes blessures, guérir tes émotions. Et si le monde te blesse, et si les étoiles s'éteignent, je serai là à chanter pour toi, à tisser des liens. Ton cœur en détresse, tes secrets murmurés, je les transformerai en mélodie, en douce poésie. Et je serai ton guérisseur, ton remède sans faille, pas un simple pansement, mais un baume pour ton âme. Les mots que tu confies, je les tisserai en chanson, pour soigner tes blessures, guérir tes émotions. Et quand le silence de nos cœurs, je suis plus qu'un amant, je suis le gardien de ton cœur, ton doux confident. Pas un simple pansement, non, bien plus que ça. Je suis le guérisseur de ton cœur, quand tu es là. Et quand les doutes s'insinuent et que les ombres menacent, je serai là, ton phare dans ce tendre espace. Ton amour dévoilé, tes désirs murmurés, je les chérirai tendrement en toute intimité. Et je suis ton guérisseur, ton amour infaillible, pas un simple pansement, mais un lien indissoluble. Et les mots que tu me confies, je les tisserai en chanson, pour soigner ton cœur, éveiller tes passions. À travers les saisons, je serai ton amant, le complice de tes jours, ton allié constant. Pas un simple pansement, non, bien plus que ça. Je serai le guérisseur de ton âme, qui veille sur toi. Quand le monde s'efface et que reste notre étreinte, je serai là, ton roc, ton amour sans frein, ton bonheur partagé, les espoirs murmurés, je les porterai haut en toute intimité. Je suis ton guérisseur, ton amour infaillible, pas un simple pansement, mais un lien indissoluble. Les mots que tu confies, je les tisserai en chanson, pour soigner ton cœur, éveiller tes passions.